Subitement dégrisée, Hermione désavoue les assassins de Pyrrhus, et sa haine se tourne contre Oreste, qu'elle maudit avant de s'enfuir. Oreste, stupéfait, est alors rejoint par Pylade, dont les propos vont accroître encore son malheur. En effet, non seulement les Grecs sont à la recherche d'Oreste pour venger Pyrrhus, mais de plus Hermione s'est suicidée sur le corps de Pyrrhus. Oreste se met à délirer. « Quoi, Pyrrhus, je te rencontre encore? Trouverais-je par tour un rival que j'aborde? Percé de tant de coups, comment t'es-tu sauvé? Tiens, tiens, voilà le coup que je t'ai réservé. Mais que vois-je? À mes yeux, Hermione l'embrasse. Elle vient l'arracher au cou qui le menace. Dieu, quels affreux regards elle jette sur moi. Quel démon, quel serpent traîne-t-elle après soi? Eh bien, fille d'enfer, vos mains sont-elles prêtes? Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? À qui dessinez-vous l'appareil qui vous suit? Venez-vous m'enlever dans l'éternelle nuit? Venez, à vos fureurs, Oreste s'abandonne. Mais non, retirez-vous, laissez faire Hermione. L'ingrate saura mieux que vous me déchirer, et je lui porte enfin mon cœur à dévorer. Tombé inanimé, Oreste est sauvé de justesse par son ami Pylade.